Backstage, les coulisses du son. En couleur, en concert. Sur RQC. Vous écoutez Backstage. Eh bien, bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM, avec vous jusque 10h30, Scream, pour une nouvelle émission Backstage. Aujourd'hui, ben, j'ai choisi un groupe, encore un vieux de la vieille, un vieux groupe, hein. De par 6 disques qu'ils vont arrêter et que c'est leur seul passage. Je vais vous donner la liste, hein. Que c'est leur seul passage en France la semaine prochaine, samedi. Ils se produiront pas ce samedi qui vient, le samedi après, le samedi donc 17, voilà. Ils se produiront à Clisson. Ils disent que c'est leur dernière tournée. Donc voilà, je vais d'abord vous passer un extrait de l'album que j'ai décidé de vous parler. C'est un album de 1993, et tout de suite après on rentrera dans le vif du sujet. Je vous annoncerai le groupe si vous ne les avez pas reconnus, ce qui m'étonnerait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est parti. Wake up, kid, it's half past the youth, ain't nothing really changing but the date. You a grand slammer, but you know Babe Ruth, you gotta learn how to relate. I may be swinging from the pearly gate. I got all the answers, lo and behold, you got the right key, baby, but the wrong key, ho, yo. Take it one back now, spit out the rest. Voilà, donc je suppose que vous avez reconnu la voix de Steven Tyler, et bien entendu il s'agit d'Aerosmith, et j'ai choisi de vous parler de cet album qui s'appelle tout simplement Get a Grip. On vient de s'écouter d'ailleurs, on s'est écouté Eat the Rich qui n'a pas du tout en lien de parenté avec un titre de Motorhead qui figure sur l'album Rock'n'Roll qui s'appelle aussi Eat the Rich. Voilà. Donc Aerosmith est un groupe américain, hein, donc... Il est considéré comme du blues, rock, glam, hard rock et du metal. Ils exercent depuis 1970. Je vous ai dit, on a parlé des vieux de la vieille la semaine dernière, si vous vous souvenez, c'était Blue Oyster Cult. Donc voilà, ils sont signés chez Columbia Records. Et donc il y a même un site à aerosmith.com. Alors le groupe est composé, donc les membres actuels de Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Brad Wilford et Joey Kramer. Les anciens membres, c'est Ray Tabano, Jim Crespo et Rick Dufay. Alors, Aerosmith est un groupe de rock américain originaire de Boston, dans le Massachusetts, formé en 1970. Ses membres sont parfois appelés les Bad Boys de Boston. Son style de rock'n'roll typique des années 70, donc 70, enraciné dans le blues, est venu également intégrer des éléments de pop, de metal et de rhythm and blues, et a inspiré de nombreux artistes de rock et de metal ultérieur. Aerosmith est l'un des groupes de rock qui a connu le plus de succès, avec 150 millions d'albums vendus dans le monde, dont 67 millions d'albums rien qu'aux États-Unis. Il détient le record du plus grand nombre de disques d'or et de multiplatines pour un groupe américain. Les membres du groupe ont placé 21 hits au top 40 dans le Billboard Hot 100 et 9 hits au numéro 1 au Main Street Rock. Ils ont également remporté 4 Grammy Awards et 10 MTV Video Music Awards, catégories dont ils sont les recordman. Ils ont été intronisés au Rock Hall of Fame en 2001 et ont été classés 57e parmi les 100 plus grands artistes de tous les temps du magazine Rolling Stone en 2005. Le début d'Aerosmith en 1966, Steven Tyler, jeune batteur à Boston, enregistre pour la première fois en studio avec un groupe Chance Reaction. De leur côté, le guitariste Joe Perry et bassiste Tom Hamilton forment en 1969 le James Band, un power trio à la Cream. La même année, les deux groupes jouent régulièrement à The Beam, un club de New Hampshire, touchant un cachet de $30 par soir. Tyler entend et est enjoué par les reprises de Rattlesnake de Fleetwood Mac par le James Band. La fusion des deux groupes marque la naissance d'Aerosmith. Je vais vous parler après des années 1970, donc le début du groupe. Là, on va s'écouter le titre éponyme de l'album que je vous ai vous parlé, qui s'appelle Get a Grip, qui est sorti en 1993, l'une des meilleures ventes d'ailleurs des albums d'Aerosmith de 93. Vous comprendrez pourquoi au fur et à mesure qu'on va avancer musicalement. Get a Grip, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est ici, c'est sur RQC, dans Backstage. Backstage, les coulisses du son. I can't explain how I feel that silly. You gotta live long. Get a Grip, je ne me lasse pas de ce groupe, franchement, toujours d'actualité, même si l'album a quand même 24 balais. Hein. Alors, dans les années 70, en 1971, l'ancien guitariste de Chain's Reaction, Ray Tabano, quitte Aerosmith et est remplacé par Brad Whitford. Taylor, devenant le chanteur, le batteur Joey Kramer, se joint au groupe. Le bouche à oreille permet à Aerosmith de se fixer à Boston où il joue dans le circuit des bars des campus. Un noyau de fans les suit déjà dans tous ses déplacements. Épaté par son passage explosif au Max Kansas City de New York, Clive Davis, le patron de Columbia, lui offre un contrat en 1972, un premier album sans titre au rock brut, primaire et mélodieux. Incluant une reprise de Rufus Thomas, sort début 1973. Les ventes sont modestes et le succès est en 45 tours de la ballade Dream On reste régional. Le groupe accompagne Blue Oyster Cult, Mod The Hoople's et The King en tournée, ce qui lui permet de conquérir un public de plus en plus vaste. En 1974, après avoir tourné longtemps en première partie, le groupe sort Get Your Wings, produit pour la première fois par Jack Douglas, qui sera le producteur de tous leurs autres succès des années 1970. L'album contient le titre Same Old Song and Dance, devenu un classique du groupe, ainsi que Train Keep Rolling et son temps popularisé par The Yardbirds, qui reste encore souvent joué de nos jours. Cet album contient également des chansons moins connues mais très appréciées des fans comme Lord of the Thing, SOS to Bad ou Season of the Wither. En 1975 sort Toys and the Attic, qui devient un succès instantané. Cet album permet enfin au groupe d'accéder à la célébrité et de devenir des rockstars. À l'instar de Led Zeppelin et de Rolling Stone, il contient de grands classiques comme Walk His Way ou Sweet Emotion, qui devient le premier single top 40 du groupe. En plus de ces deux hits, l'album contient le titre Toys in the Attic et Big 10 Inch Records, qui deviendront des classiques de concert. L'album devient également le disque studio du groupe le plus vendu aux États-Unis, avec plus de 8 millions d'exemplaires. En 1976, sort Rock, qui confirme encore plus le statut de superstar du groupe. La tournée les amène en Europe et au Japon pour la première fois. La qualité du disque suscite de nombreux éloges envers Aerosmith et influence de nombreux artistes comme Guns N' Roses ou Metallica. En 1977, sort Draw the Line, décevant aux yeux de la critique et des fans comparé aux deux précédents albums, qui se vend tout de même à 2 millions d'exemplaires aux États-Unis. Seuls deux titres connaissent un certain succès, Draw the Line et King and Queen. Ceci s'explique par une consommation record de drogue pour le groupe à l'époque. Néanmoins, la tournée qui suit est concluante avec de nombreuses dates aux États-Unis. En 1978, le groupe décide de sortir son premier disque live intitulé Live Bootleg et est considéré comme l'un des plus grands albums live de l'histoire de la musique. Il est marqué par l'aspect sale et brut de la qualité audio du disque. Le groupe repart pour une tournée qui passe par le Texas James en 78, en tête d'affiche devant plus de 150 000 personnes. En 1979, juste après l'enregistrement de l'album Night and the Roots, Joe Perry quitte le groupe après des différends avec Steven Tyler, puis fonde The Joe Perry Project et il est remplacé par Jimmy Crespo et le groupe repart en tournée pour promouvoir l'album qui se vend encore moins bien que Draw the Line. Après, j'ai passé dans les années 80. Là, on va s'écouter Fever, donc on continue donc avec l'album Get a Grip d'Aerosmith. En couleur, en concert, sur RQC. Voilà donc le titre Fever, extrait de l'album Get a Grip, sorti en 1993. Voilà, vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM. Et c'est là qu'il y a de la bonne musique. Restez bien branchés sur le 95 FM ou sur rqc.be. Alors, les années 80 pour Aerosmith, en 1980, voilà la sortie de Greatest Hit, une compilation qui reprend les plus grands tubes du groupe des années 1970. Il devient leur disque le plus vendu aux États-Unis. À la fin de cette même année, Steven Tyler se blesse grièvement lors d'un accident de moto. Il ne peut ni partir en tournée ni enregistrer le nouvel album durant toute l'année 1981, durant laquelle Brad Whitford quitte le groupe et il est remplacé par Rick Dufay. Rock in Hard Place sort en 1982, mais la majorité des fans le trouvent plutôt moyen. Il ne devient disque d'or qu'aux États-Unis, et ce qui est un peu comparé aux ventes de ses prédécesseurs. Aerosmith part ensuite en tournée à travers les États-Unis. Le 14 février 1984, Joe Perry et Brad Whitford font une apparition à un concert du nouveau groupe avant de les réintégrer deux mois plus tard. Pour fêter son retour, Aerosmith s'embarque en 1984 dans une nouvelle tournée très lucrative nommée Back in the Saddle, réunion tour marquée par des incidents liés à des abus de drogue. En 1985, le groupe signe un contrat avec Geffen Records et sort Down with Mirror, qui se vend pas très bien, mais dépasse tout de même les ventes de Rock in the Hard Place. En 1986, le groupe part en tournée de promotion avec le succès identique à la tournée précédente. Cette même année, le groupe enregistre avec Run DMC une reprise de leur hit Walk His Way. Cette association inédite entre le rap et le rock fait date et marque un retour en force d'Aerosmith, leur offrant la popularité auprès d'une nouvelle génération. À cette époque, les membres du groupe se droguent encore, plus particulièrement Steven Tyler et Joe Perry. Ils entrent tous les deux en cure de désintoxication et travaillent ensuite durement sur l'album suivant. En 1987, Permanent Vacation sort et devient un grand succès, se vendant à 5 millions d'exemplaires aux États-Unis grâce aux hits Dude Look Like a Lady et Angel et Rag Dolls. Le groupe entame ensuite une tournée aux États-Unis, puis au Japon, qui se poursuit jusqu'en 1988. En 1989, Pump sort, battant les ventes de Permanent Vacation avec trois singles dans le top 10. Jenny Got a Gun, Love in the Elevator et la ballade What It Take. Cette réussite rétablit définitivement Aerosmith comme un des plus grands groupes de rock'n'roll. Pour promouvoir l'album, le groupe reprend la route pour le Pump Tour qui dure 12 mois et est marqué par le retour son dans les salles européennes pour la première fois depuis 1977, ainsi que l'unique passage du groupe en Australie. Après, je vous parlerai de 1990. Là, on va s'écouter un autre titre donc d'Aerosmith. Hein. On va s'écouter Living on the Edge. C'est tout de suite, c'est maintenant. Vous écoutez Backstage. There's something wrong with the world today, I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah! We're living on the edge. Today, the light bulb's getting dim. There's meltdown in the sky. sky. If you can judge a wise man by the color of his skin, then mister, you're a better man than I. Yeah. Magnifique ce tube Living on the Edge, donc extrait de l'album Get a Grip. Alors en 1991 voit la sortie d'une compilation de 3 CD nommée Pandora Box, qui contient les hits de la période Columbia ainsi que de nombreuses raretés issues de cette période. Le groupe apparaît ensuite dans un épisode des Simpsons intitulé A Cocktail d'Enfer. En 1992, Steven Tyler et Joe Perry font une apparition au concert de Guns N' Roses à l'hippodrome de Vincennes à Paris. Ils accompagnent le groupe pour Mama King. Guns N' Roses a repris ce titre en 1986 et Train Keep Rolling. Cette même année, Aerosmith entre en studio pour enregistrer le successeur de Pump. En 93, après de longs mois passés en studio, Get a Grip sort et devient le plus grand succès du groupe et se vend à 20 millions d'exemplaires dans le monde. Il contient de nombreux hits comme Hit the Rich, différent du titre, comme je vous ai dit, hein, de Motorhead, sorti en 89 de l'album Rock'n'Roll, Living on the Edge, ainsi que 3 célèbres ballades, Crying, Crazy et Amazing. La présence de ces chansons plus douces qui connaissent un grand succès à la radio et sur MTV fait dire aux fans de la première heure que le groupe s'est vendu. La tournée de promotion de l'album dure 18 mois pour 240 concerts partout dans le monde, ce qui reste encore aujourd'hui leur plus grand nombre de concerts donnés en une seule et même tournée. En 1994 sort 2 compilations Box of Fire contenant tous les albums du groupe sortis chez Columbia et Big One, rassemblant les plus grands hits de la période Geffen. Plus 3 inédits, après une longue tournée, les membres prennent des vacances en famille avant de s'atteler à l'album suivant réalisé avec Columbia Records. En 1996, Aerosmith entre en studio pour enregistrer Nine Live, marqué par une déclaration du manager du groupe Tim Collins, affirmant que Steven Tyler se drogue à nouveau. Cette déclaration aurait pu sonner la fin du groupe. Steven Tyler envisage sérieusement de le quitter, mais finalement, il décide de continuer l'aventure et Tim Collins est gracieusement remercié. L'enregistrement aboutit finalement à l'album et l'album sort en 1997 accompagné de critiques mitigées. L'album ne rencontre pas de succès au prédécesseur, mais se vend quand même à 5 millions d'exemplaires dans le monde. La tournée qui suit est mouvementée, plusieurs dates sont annulées à cause d'une blessure au genou de Steven Tyler et d'une brûlure au second degré au bras de Joe Kramer. Elle dure 2 ans et le groupe donne 204 concerts dans le monde. En 1998, le double album live intitulé A Little Suit of Sanity sort, enregistré durant la tournée Get a Grip et Nine Live. Cette même année, le groupe enregistre I Don't Want to Miss a Thing, ballade pour la bande originale du film Armageddon, avec Liv Tyler, la fille du chanteur. Cette chanson est un énorme succès, restant plus d'un mois au sommet des classements, la plus grande performance du groupe à ce jour. Elle est jouée à la cérémonie des Oscars en 1999. Là, on va s'écouter Flesh de Get a Grip. Backstage, les coulisses du son. Donc c'était le sixième titre Flesh d'Aerosmith. Alors dans les années 2000, en 2001, le groupe sort Just Push Play, vendu à 3 millions d'exemplaires grâce à Jaded. La tournée se déroule uniquement aux États-Unis et au Japon, donnant le jour au live Wrecking the Jaws, enregistré à Las Vegas, sorti en 2005. Cette même année, le groupe est arrivé au Rock and Roll of Fame. En 2002, la compilation Oh Yeah, Ultimate Aerosmith Hit sort certifiée 2x disque de platine contenant deux titres inédits, Girl of Summer et Lay It Down. Pour promouvoir cette compilation, le groupe part pour une petite tournée de 51 dates à travers les États-Unis intitulée Girl of Summer Tour. En 2003, ils font tournée commune avec Kiss. En 2004, le groupe produit Hawking on Bobo, album de reprise du répertoire blues joué dans le style d'Aerosmith. Le DVD live You Got Move est enregistré durant la tournée. En 2005, sort Rocking Joe, suivi d'une nouvelle petite tournée à travers les États-Unis. En 2006, une nouvelle compilation sort The Devil Goat A New Disguise et The Very Best of Aerosmith contenant deux chansons inédites, Devil Goat A New Disguise et Sedona Sunrise. Le cancer de la gorge de Tom Hamilton et l'apparition d'un anévrisme de la gorge de Steven Tyler retardent l'enregistrement du nouvel album remplacé par la compilation, et quand Aerosmith et Motley Crue partent pour la tournée intitulée Root of the Evil Tour, Hamilton ne peut pas y participer pour la première fois de sa carrière. En 2007, le groupe annonce un nouveau World Tour, le menant dans des pays où il n'a pas joué depuis 8 ans, depuis le Night Life Tour, 14 ans depuis Get a Grip Tour, ou bien encore dans des pays où il n'est jamais allé. Aerosmith passe par Paris-Bercy le 19 juin 2007. Aerosmith serait en train de donner la touche finale à son nouvel album qui devrait sortir en courant 2009. Une tournée américaine serait d'ores et déjà planifiée pour avril 2009. Il serait précédé d'un concert au stade olympique de Caracas le 1er février 2009. Le 15 janvier, le groupe annonce sur son site officiel l'annulation du concert de Caracas dû à une complication de la prothèse du genou de Joe Perry. Le 5 janvier 2009, lors d'une interview donnée à ABC News Radio, Joe Perry déclare que le groupe est entré en studio pour enregistrer leur nouvel album à l'ancienne pour des sessions live en studio sous la houlette de Brendan O'Brien, qui a déjà travaillé avec AC/DC, Bruce Springsteen, parmi les plus connus. Après avoir déserté les routes pendant plus d'un an, le groupe repart en tournée nord-américaine accompagné de ZZ Top. En première partie, le 6 novembre 2009, Joe Perry déclare à Las Vegas Sun que Steven Tyler aurait décidé de quitter le groupe. Ce dernier n'aurait pas donné d'explication aux membres du groupe quant à ses projets solo. Mais le 12 novembre 2009, profitant d'un concert de Joe Perry, Steven Tyler monte sur scène afin d'interpréter avec lui Walk His Way. Avant cela, il s'exprime face au public. « Je veux que New York sache que je ne quitte pas Aerosmith et Joe Perry, tu es un homme plein de couleurs, mais moi, putain, je suis l'arc-en-ciel. » Voilà, après on va passer en 2010. Là, on va s'écouter Amazing d'Aerosmith, bien entendu. On se retrouve tout de suite après, les amis. En couleur, en concert, sur RQC. In my life, when I was going insane, trying to walk through. And I would die Waouh! Amazing ce solo quand même. C'était amazing bien entendu de Get a Grip d'Aerosmith. Donc en 2010, malgré toutes les compilations qu'a connues Aerosmith, Steven Tyler reste dans le groupe et ils célèbrent leurs 40 ans de carrière par une grande tournée qui débute en Amérique du Sud, se poursuit en Europe et se termine aux États-Unis, passant par le Download Festival, le Grass Pop Metal Meeting Festival et Bercy. Alors que le groupe semble prêt à enregistrer son 15e album en 2011, Steven Tyler déclare en magazine Rolling Stone être sans nouvelles de Joe Perry. Le 14 mai 2011, le groupe annonce qu'il entre en studio en juillet pour produire le nouvel album annoncé pour mai 2012. Mais le producteur Jack Douglas, cet album doit revenir aux sources d'Aerosmith avec un son plus brut que les précédents. Le groupe communique le titre Music from Another Dimension et repousse la sortie au 6 novembre 2012. Le groupe se lance en 2013 dans une tournée mondiale nommée Aerosmith Global Warming World Tour qui se poursuit en 2014 par des dates en Europe dont le Hellfest le 21 juin 2014. Je m'en souviens, c'était vraiment un super concert. C'était vraiment génial. Le 24 juin 2016, Steven Tyler déclare la séparation prochaine du groupe au terme d'une tournée We're All Somebody for Somewhere. En juin 2017, Aerosmith sera présent donc à l'affiche du Hellfest à Clisson pour l'ultime concert en France, je vous le disais. Alors, outre de nombreux clips vidéo, bah, y a plein de choses sur Aerosmith. Ils ont collaboré à des jeux vidéo, à des films Be Cool, Wayne's World, aux jeux vidéo avec les guitares, donc qui s'appelle Guitar Heroes. Et ils ont reçu aussi, donc, il y a une attraction à Disney qui s'appelle tout simplement Rock All Roll Coaster Steering. Je vous parlerai tout de suite après en vitesse du Get a Grip, quelques chiffres. Mais voilà, bon, on va s'écouter le titre Walk All Down. Vous écoutez Backstage. Got more money than you. You wonder why you got nothing to lose. It makes no sense, don't try to figure it out. You gotta walk on down. Walk on down. Walk on down. When the shit out of luck, there's just one thing to do, and that's walk on. Ain't no gift. Don't try to figure it out. It's too heavy to lift. You gotta walk on down. Walk on down. I choose. Voilà, on va le laisser en musique de fond. Donc juste pour vous donner quelques chiffres comme ça de Get a Grip, hein. Il est sorti le 20 avril 1993, il était en post-production et en 91-92. Il a été enregistré au Little Mountain Sound Studio à Vancouver au Canada et à Los Angeles aux États-Unis. Il dure 65 minutes 37. C'est du hard rock, blues rock, hein. Il a été produit par Bruce Fairbairn. C'est sorti chez Geffen. C'est le 11e album d'Aerosmith. Pour cet album, le groupe a collaboré avec de nombreux artistes tels que Dice Monchild, Jim Vallance, Mark Hewson, Richard Supra, Taylor Rhodes, Jack Blade, Tommy Shawn, ainsi que Lenny Kravitz qui a participé à la version officielle du line-up. L'album a fait l'objet d'un tirage limité avec la jaquette en peau de vache synthétique faisant partie de collector du groupe. Get a Grip est l'album d'Aerosmith qui s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires, hein, comme je vous le disais. Il a été certifié 7 fois disque de platine aux États-Unis, d'or au Brésil et numéro 1 dans les charts américains et numéro 2 dans les charts anglais. En France, il se vendra à plus de 200 000 exemplaires et le groupe obtiendra son premier disque d'or en 1994. Get a Grip seront très... Il y a 5 singles, Living on the Edge, Eat the Rich, Crying, Crazy et Amazing qui seront tous classés dans le top 100 américain. Les titres, bah, y a l'intro, Eat the Rich, Get the Grip, Fever, Living on the Edge, Fletch, Welcome Down, Shut Up, Of Dance, Crying, Gotta Love It, Crazy, Line Up, Amazing, Boogeyman. La composition du groupe, c'est Steven Tyler, Joe Perry, Brad Whitford, Tom Hamilton et Joe Kramer. Il y a des musiciens additionnels, Joe Webster, Rich Supa, Dice Monchild, Don L.A. Et bien entendu, il y a Bruce Fairbairn à la trompette, Ian Poots, Tom Ken Linside, Bob Rogers et Paul Baron. Voilà, nous on va se quitter, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau backstage. Et là on se quitte avec Crazy, et oui, on est tous crazy dans la tête. En couleur, en concert, sur RQC. Come here baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. It always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad looks good.